Salut, ici Pierre-François Legendre. Vous avez un problème? Ils ont un podcast. Vous avez un problème? Nous avons un podcast! Bonjour et bienvenue à la balado diffusion Pas de problème, balado numéro 158. Wow! Ici Frédéric Barbouchet en compagnie d'Antoine. Wow! Tézina! Salut! Wow! Wow! Woui! Jean-Philippe! Wow! Wow! Woui! Wow! Fred! Wow! Antoine! Wow! Et wow! You! Wouillon! Wow! Des annonces de stars, là, dégueulasses, là! Ah. Tu sais, non, des annonces de stars, vous aviez pas ça, des années 90, là? Tu sais, c'est le wow le plus haut perché que tu peux pas faire, là. Non! Non, tu serais capable de faire ça, ce bruit-là. Wouah! Oui, ça. OK, alors, pas de problème, c'est une balado-diffusion, je l'ai dit, un podcast en bon français. Oui. Hebdomadaire où l'on prend un problème proposé sur Facebook ou les médias sociaux ou par courriel, auquel on offre plusieurs solutions qui parfois fonctionnent. On a eu quelques retours là. Oui, je vois souvent des vélos munis de voiles monter la côte Berry. Oui, tout à fait. Et des coureurs au parc La Fontaine qui ont des stimulations génitales pour les encourager. Oui, stimulation. Et non, c'est ça, on offre plusieurs solutions à un problème donné. Et cette semaine, le problème, je l'ai... C'est moi qui l'apporte. Hein? Mais en fait, il y a un... Ben, je vous explique, là, je vous mets en contexte. Oui, vas-y, oui. Fred. Il y a un café où je vais souvent et qui c'est ça, qui a mis sur le comptoir une petite feuille, ben en fait un petit pot avec une feuille dessus, c'est écrit « Brainstorming » ou « Remue-ménage collectif ». Suggestion pour un meilleur café de quartier indépendant. Toutes les idées sont les bienvenues, même les saugrenues. C'est pas pire, ça. Alors, je vous mets en contexte, c'est ça, café de quartier indépendant, mais il y a un Starbucks qui est ouvert, ça fait pas très longtemps. Oh. Et une brûlerie, pas très longtemps non plus, pas loin de là. Je pense que le propriétaire est peut-être en train de se poser la question comment rivaliser avec eux et aussi comment peut-être juste donner un second souffle à son café qui, ma foi, fonctionne encore très bien, mais qui doit sentir la compétition, tout ça. Puis je trouvais que c'est un beau problème. Oui. Puis moi, je trouve que jaser un café... C'est un problème pour pas de problème. Mmh. Oh oui! De quelle manière ça se jazz, selon vous, un café? Je sais pas. Mais je peux... Ben, on va peut-être trouver, mais... Pour se distinguer des champs. Oui. Mais déjà... Et être particulier. Oui. Il y a un avantage. C'est au niveau des produits ou au niveau de... Ah oui, hein? C'est pas de l'endroit aussi. C'est pas les produits. Hein. Je pense que non. Parce qu'à un moment donné, faire un bon café, je pense que c'est la base. Ouais. C'est inévitable. Mais moi, ce qui m'a attiré à ce café-là, l'été, il y a une terrasse. Okay. Je pense que ça, c'est un plus indéniable pour son café, de pouvoir aller dehors, s'installer, tout ça. L'hiver, c'est autre chose. Moi, j'ai une idée de café concept qui pourrait s'appeler Barise-toi. Puis c'est toi-même qui fais ton café. Ils t'apprennent à faire la mousse comme que tu l'aimes. Ça s'appelle Barise-toi. Le nom est horrible, mais l'idée est pas si pire. OK, je vais passer à d'autres noms. Oui. OK. Toirista. Ouais, ça sonne vraiment pas comme autre chose, Toirista. Tourista comme... Tourista, comme tout le monde peut le faire. C'est ça. Oui, Tourista. OK, c'est bravo. Le pays espagnol. Oui. Mais... Barise-toi, c'est intéressant. Mais tu sais, si au-delà du produit, si Suzanne Sarandon a ouvert un bar à New York... qui s'appelle, pas le Bars ou une affaire de même, puis c'est un bar à ping-pong. OK, wow. Fait que c'est un bar en soi, mais tout le monde va jouer au ping-pong là-bas. Il y a des ramasseurs de balles, fait que personne n'a à se pencher pour ramasser les balles. C'est drôle. Il y a du service aux tables et tout ça. D'aller de bowling. Je pense que c'est bien berlinois comme approche. OK. Parce qu'il y a beaucoup de bars là-bas ou d'endroits qui sont plus que l'activité elle-même. T'sais, c'est plus que juste aller prendre un verre. Ouais. T'as des activités en plus. C'est drôle, ça. T'sais, comme nous, Antoine, à Québec, dans le temps, on allait jouer à l'affaire là, sur glace. Ça fait. On allait là parce qu'il y avait cette table-là, tu sais, sans son. Ben oui, c'est pour ça. Moi, une fois que tu as un produit raisonnable, après c'est ça, c'est d'offrir une autre expérience. Ben c'est ça. Mais surtout au niveau du café, c'est possible de le faire, j'ai l'impression. Plus que trois jeux de société dans un coin. Exact. Puis, on en a parlé sur les animaux peut-être déjà, mais les fameux bars à chat. Bonne idée, ça. Ben, il y a un chat qui se pointe de temps en temps. Il s'appelle Mathieu, je crois. Ouais, hein? Ouais, il y a un chat qui se pointe au café. Puis à un moment donné, je pense à sa propriétaire. Avez-vous vu Mathieu? Puis là, non. Ça fait deux jours là, que je ne l'ai pas vu. Puis là, tout le monde dans le café capotait. Sauf moi. Les autres n'étaient pas lui. C'est donc un drôle. Donc mais le Paris chat. Le Paris chat. Le Paris chat. Toi, chat, peut-être. Tu fais ton café chat. Et il y a des chats. Il y a des chats. Mais, tu sais, là, je ne veux pas faire de la pub à un autre café, mais il y en a un sur Amherst où ils font. Ils spécialisent dans le latte, là, puis ils font vraiment. Le, c'est quoi? C'est le pourquoi? Express au bar? Pourquoi pas? Okay. Qui. Puis là, à chaque jour, t'as des saveurs différentes. Fait, je vais prendre le Kenichi. Oui, il goûte un peu plus le citron et le chocolat. OK. Mais ils sont excellents. Ça, sont c'est excellents, bon, ça. Ouais. Savez-vous que le café le plus cher du monde est un café à base de crottes? Ah non! Coupilouac! Coupilouac! Non, c'est quoi déjà? Coupilouac, exact. Coupilouac. Le café le plus cher du monde. Sinon, en fait, c'est une petite bête. Qui mange les grains de café. Exact, puis c'est son. Puis là, il récupère dans les crottes. Dans les crottes. C'est dégueulasse. Pourquoi que je paierais pour ça? Faire contraste avec les grandes entreprises, pourquoi pas avoir un objectif social rattaché au café? Ouais. Comme d'engager des gens. Des nains! Non, mais tu sais, il y a un café qui fait ça. C'est peut-être. Tu vois que le staff, ils ont c'est ça, tu fais un problème, soit moteur ou mental. Et puis tu fais pas juste prendre un café, mais eux, ils engagent, donc t'as toujours évidemment quelqu'un. Mais non, mais normal. Tu peux pas. Tu comprends? Moi, je fais, tant qu'à faire, pour le même prix pour mon café, je vais aller là. Ben ouais. Même plus cher, je me regarde. Ou ça pourrait même être juste des services. Insertion sociale. Ouais. Ben, il est à moitié là, vu le staff qui travaille là-bas, là. Ouais, non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. C'est mais, pas vrai. Ou juste des services avec des ben gros totons. Non, mais tu sais, t'as qu'à faire de la discrimination positive dans l'embauche, tu sais, comme... Ouais. Ici, les femmes ont des bonnes poitrines, tu sais. Il y a ça. Topless, ça marche, hein? Topless. Non, mais pour encore bon des déjeuners topless ici à Montréal. Avec des étoiles collées. Ouais. Paris, top. plus sérieux, mais tu sais, il y a une affaire au niveau du prix aussi qui est bien important. T'sais. Moi, si. Tu sais, mettons, dans le Mylène, il y a deux excellents cafés, là, quand même, là, tu sais, que ce soit le Café Olympico, le Club Social, qui servent des cafés lattés à 2,25, mettons. OK. Ah, y a ça. T'es loin du café du Starbucks à 4$. Je pense que eux n'ont pas le choix d'offrir un café latté, qui est quand même le café le plus populaire, j'ai l'impression, dans ce genre de café-là. À un prix plus compétitif que le Starbucks, qui est, avec les taxes, 3,80 maintenant. Exact. Fait que si au moins il est aussi bon, la quantité est moins grande, parce que si tu veux boire un bon café, c'est pas tant la quantité qui est importante, j'ai l'impression. Ouais, à moins que tu prennes un Americano ou un café filtre. Mais offrir un excellent café en petite quantité, moins cher, je pense que c'est une solution. Ouais, t'acceptes de faire ton argent sur autre chose. Là. Sur autre chose, mais tu sais que ton produit, ton bon produit de base soit pas cher, quitte à vendre après ça... Tes biscuits, 25 cents de plus, ça, on s'en fout. Mais si ton café est bon et pas cher, je pense. C'est vrai. Mais, tu sais, moi, mettons, on prend le café là, que j'aime le moins, c'est Tim Hortons. Okay? Il est vraiment pas bon. Qu'est-ce qui me fait aller au Tim Hortons? Pourquoi j'y vais plus? Parce qu'il n'y a plus de bol en pain. Non. La tasse en pain, ça, j'y retournerai. Ouais. Ah oui. Tasse en pain. Wow. Ouais. Non, mais la petite gimmick, hey, va là, ils ont. Il y en a plein quand même des cafés avec des gimmicks. Hein, où, mais c'est pourquoi, tu sais, un sac de chocolat noir, des petits chocolats noirs, ça coûte au Costco 10$, puis t'en as 500. Ben, pourquoi pas donner toujours un petit chocolat en Europe de temps en temps, mais tu sais, donner un chocolat avec le café. C'est vrai. Il y a une plus-value, là. Tu as un chocolat ou une gaga. Tu mets le café dans le fond, en arrière du comptoir, dans le fond de la cuisine. Puis si la personne est capable de lancer son chocolat dans son café, il est gratuit! Wow! Tous les joueurs de basket qui apprécient le café. Quelque chose que les... Qui jouent avec des très petits ballons. Ils vont être là. Là, t'en pognes du monde, là. Ouais. Les meilleurs cafés à Montréal font, mettons, au Café International ou au Café Italia, c'est que tu décides pas comment tu veux ton café. Oh. Il est de même. Ouais. Fait que t'arrives, ils disent, nous, on sert le meilleur café, mais t'as pas le choix de le prendre comme il est. T'as pas de sucre dedans. Ouais. Si tu prends un latte, il est de même. Mm. Fait que peut-être offrir quelque chose, ça reste de la niche de marketing, j'ai l'impression, mais offrir quelque chose de plus exclusif, de plus précis, de dire, de t'attaquer aux vrais fans de café, pas offrir 500 affaires comme vanille française. Oh, ouais, on en revient. Ouais. Non, là, tu sers une affaire, mais bonne en tabarnak. Très bon. Les dessins, faut pas négliger les dessins sur les lattés. Oui, exact. Starbucks, tout ça, ils en font pas vraiment. Non, engager un barista de luxe, que, comme mais au Café Angéva, qui fait une réputation avec ouais, ça. Ouais. On a dessiné des têtes de mort. Exact. Des signes. C'est malade. Ouais. Puis tu sais, que ton marketing, ce soit le café que vous voudrez prendre en photo. T'sais. Oh, c'est cute. C'est tellement... Ouais. Parce mais que c'est pour sûr le boire. À boire avec les yeux. À boire avec les yeux. Ouais. Mais c'est sûr que ça dépend aussi de la clientèle qui veut. Je sais que, tu sais, il y a l'Internet, il y a le... les deux, trois ordinateurs de disponibles pour les gens qui n'ont pas d'ordinateur. Okay. Mais sauf que ces gens-là, tu sais, moi le premier, on se pointe là, on prend deux cafés, puis c'est fini, là. On dépense pas, mais on reste là deux heures de temps. Alors, faut t'enlèves les ordi. Enlève les ordi. Bing! Bonsoir. Connexion Internet, je pense que ça, c'est la base, là. Mais des tablettes pour tout le monde! Oh! Ça, c'est pas pire, c'est quelque chose, là. Bip, bip, bip. Ah, je vais checker quelque chose. Non, t'as pas le droit d'ordi ici. On te fournit une tablette. Ouais. S'il veut pas... les autres usagers du café rencontre. Oui. Mmh. Payant ça. S'il veut célibataire. Mmh. Il y a du monde pendant 5 heures de temps. Il y a le nouveau principe de la table longue dans les restaurants. Là, qui ouais. Table longue avec tabouret. Fait que les gens se sentent plus mal de travailler un à côté de l'autre. J'ai l'impression quand tout le monde voit. Puis ça c'est comme si tu l'offres, mais t'encourages pas le fait que les gens restent 5 heures de temps. Il y a des places, là. Mais je pense qu'ils aiment ça, les vrais propriétaires de cafés de quartier, là, ils aiment ça voir des gens qui chillent dans le... Vous pensez pas, tu sais? Avoir les habitués, oui, mais ça dépend, parce que là, le café qu'il décrit n'est pas très grand. OK. Non, c'est 5 qui restent 2 heures de temps, là, puis il y a du monde qui passe, puis il y a trop de monde, tu m'envoies à l'autre en face. Ouais. À la limite, c'est bon pour que les clients pensent que c'est toujours plein. Oui, c'est vrai. Mais en même temps, il faut que tu offres les deux. Fait qu'à la limite, ton long comptoir, c'est pour les clients réguliers qui sont dans la place. C'est vrai. Puis il faut que tu aies un comptoir à service au bout. C'est une personne qui est là, qui te fait ton maudit bon café pour emporter ou quoi que ce soit. T'sais. Moi, je vais te dire, puis là, je le nomme, Normand, bravo, je suis un habitué, j'aime bien ça. Mm. Non, mais je l'ai dit aujourd'hui qu'on allait s'aborder son problème. Et il a dit, quand je peux écouter ça. Donc, la terrasse d'hiver. Ouais. Oh. Parce que c'est un plus, là. Avec des cafés plus alcoolisés, peut-être un peu. Ah, mais ben ça, je sais pas. Ça, tu mets l'alcool, c'est clair qu'il y a plus de monde. Mm. Mais, café alcoolisé, je pense que ça prend... Ça prend un permis d'alcool. Ouais. Mais... Trouver ou inventer, quitte à ce que ça coûte un peu plus cher, le verre de carton écologique très, très thermos. Oh! Qui fait que l'hiver reste un peu chaud quand même. Là, ça pourrait être cool, ça. Ou non, mais investir dans... Ouais, ça, c'est pour ceux qui partent, là. Ouais, c'est mais ça. Mais si tu restes sur place, avoir justement des tasses extérieures, là, qui... Ouais. Parce que, tu sais, mettons, Starbucks, la majorité de leur clientèle est une clientèle passante, j'ai l'impression. Ouais. Tu sais, il y a du monde qui reste là, qui sont assis, il y a beaucoup de monde, mais c'est surtout du monde qui vont acheter des affaires puis qui sortent. Ah ouais. Mm. Mais c'est important, je pense, même pour les petits cafés, d'offrir cette affaire-là, de passage. Ouais. OK. D'habitude, on met tout le temps nos problèmes sur Twitter pendant qu'on les aborde. Et là, il y a juste une réponse jusqu'à maintenant. C'est Ansel qui a écrit... Tu es des sorcières. Non, mais c'est très bon. En ayant une ambiance et des employés sympathiques et ne déclarant pas tous ses revenus... Oh! Là, c'est hashtag exproprio de café. Ah, très bon. Mais c'est sûr que le staff, tu sais, ça aide, puis ils sont corrects, là, le staff là-bas. Là, j'en ai vu beaucoup passer. Mm. Ouais, il y a un bon roulement. Ouais, ouais, c'est des places à roulement, là, même dans les chaînes. Ah, ouais. Oh, c'est ça. C'est pas, là, pas comme Gunter ou Central Perk. Là, que tu revis 10 ans. Là, allez, là, on dépasse. Là, on sort de la boîte. Allez chercher Gunter. Hey, ça serait malade. De l'émission Friends. Ouais. Friends qui allait toujours dans le même café. Au Central Perk. Ou prendre un de ses employés puis le transformer. Ah, wow! En Gunter. Ce serait drôle, genre, payer 6 sosies, là, qui seront toujours là. C'est les, genre, Friends sont toujours au café du plateau, là. Tu sais, là, les cours, il y a des concours dans les bars de manipulation de bouteilles. Ah! Tu ramènes ça, mais avec le café. Mais il y en a. Bouge pas. Ah, il y en a. Ouais, le café Saint-Roch à Québec, la brûlerie Saint-Roch avait gagné des prix, tout ça. Il y avait un concours de barista à Québec et, l'année passée, je pense. Arc! Arrête. Mais si on parle de mobilier, là, par exemple, ce serait quoi, là, quelque chose qui... Mais on l'a dit, moi, je pense, c'est le produit, on se concentre là-dessus. Tu sais, le petit café sur Mont-Royal, à côté de Saint-Denis, ils font juste des cafés, c'est juste une petite vitre, là. Ouais. T'as la machine. Ça cherche le temps, ça. T'as trois prix. Ça a été de la pizza pendant... Là, c'est juste des cafés. Tout à fait. Mais t'as trois petits panneaux, je sais pas, c'est expresso, café au lait, blabla. 2 piastres, 3 piastres, 1 piastre. Il y a tout le temps du monde. C'est très clair, c'est limpide. On a 3 produits. Je reviens un peu à ce que tu disais. Ouais. Tu as la grosse machine en arrière à café. Tu as la fille qui est là qui fait « Moi, je fais ça. » Je trouve que parfois, les cafés indépendants se lancent, on l'a dit. C'est une semi-bibliothèque avec des vieux livres. Ça reste trop loin. Des jeux de société, ils vendent des sandwichs. Tu sais, une affaire. Mobilier, un paypass, avec en plus une exposition de tableau. Pas heureuse. Là, tu fais « Non, moi, je m'en vais là. » Boire du café, strength, ligne simple, ambiance. Rien, c'est mûr. Les chaises, non, même couleur que le reste. Une style machine à café. Tu sais, c'est ça la vedette, c'est le café la vedette. Une machine à café pimpée. Il y en a, il y a de la lumière dessus, qui ont des affaires. Puis tu regardes la personne faire ton café, t'es pas en train de. Pour ça, tu fais, t'as le feeling que c'est ça. Ça y est. Puis l'odeur est vraiment importante aussi. Ça, moi, quand je rentre dans un café, j'ai pas envie que ça sente le fromage collé. Non. Je veux que ça sente le café. C'est vrai. Ça arrive trop souvent, ça, que tu rentres, ça sent la vieille quiche. Mais non, il faut que ça sente le café. Créer l'effet, quand même avoir du roulement, mais que les gens te reconnaissent. Ouais. C'est la fameuse puce. Ouais. Quand tu rentres, la commande est partie de ton café. Oh, shit. Il est là, top, il fait « Jean-Philippe! » Oui. Oui! Exact. Puis quelque chose qui est pas... On a beau détester Starbucks puis les chaînes, quelque chose qui est pas mauvais là-dedans, c'est l'exactitude du produit. Ouais, tu le sais que tu vas toujours avoir la même affaire. Ouais. Le café goûte ça, c'est ça. C'est vrai. Quitte à... Tu sais, je veux pas dire que c'est bon, cette affaire-là, que ce soit toujours pareil, l'uniformisation de l'affaire, mais... Au niveau du café... Au niveau du café, si cette semaine tu décides que c'est un certain grain ou quoi que ce soit, faut que tout le monde goûte la même chose. Ouais. Tout le monde aille la même affaire, la même quantité de lait. Je sais pas si vous comprenez. Ouais. Peut-être qu'ils se brandent en ayant trouvé la solution, le café parfait avec les mesures sur la tasse. Je le sais pas, mais... Attends, faut aller sur Twitter, là, parce qu'il y a Steve Degary qui a écrit C4. Puis là, il y a une image de... Des Mythbusters qui, avec. C'est écrit When in doubt, C4. Ça veut dire, il fallait exploser. mais il y a aussi Banjo Bouchon qui a écrit Faire comme dans la revanche des tronches, coller des images érotiques au fond des verres. Hashtag nerds, hashtag plot. Oh. Donc, merci mais Banjo. C'est vraiment ça, une image surprise dans le fond du verre. Oui, une image surprise. Vraiment... Wow, j'irai tout le temps. Oui. Ou un concours où tu déroules le rebord. Tu déroules le rebord, mais t'as juste des tasses en porcelaine. Je pense que j'ai une bonne idée pour vrai. Ça serait une diseuse de bonne aventure qui te dit c'est quoi tes feuilles de thé au fond de ta tasse. Tu sais, pour toutes les gens qui prennent du thé dans un café. Il y en a beaucoup. Oui. Non, mais quand même. Regarde. Mais ils ne prennent pas de poche. Ouais, non, mais tu sais, comme des thés, là. Oui. J'ai un autre point à dire, c'est que des fois je trouve que les cafés indépendants pensent nous attirer avec des non-jeux de mots, tu sais, comme café-vous besoin ou c'est des affaires de même. À éviter. Ça, c'est à éviter, hein. Café-vité, hein. C'est comme... Ouais, c'est à Mathieu, ces jeux de mots-là. Ouais, c'est pas ça. Au café. Vous m'avez laissé. Non, il n'y a pas de jeu de mots, ouais. Lui. Mais c'est quoi les produits qui sont reliés au café? Il y a quand même... Tu sais, le café, c'est souvent le matin, fait qu'il y a les journaux. Oui. Oui. Pourquoi pas mêler les deux affaires, tu sais... Avoir des affichages de journaux, je sais pas quoi, quitte à avoir une lecture du journal. Obligatoire. Non, mais c'est au coin, il y a quelqu'un avec une belle voix qui fait la lecture du journal, tu sais, pour les gens qui sont dans le... Là, t'es sûr que les gens trouvent ça très original, mais ils restent pas. Non, mais c'est un peu comique. Ils vont chercher leur café, puis ils s'en vont. Mais ils viennent un petit peu. S'ils viennent pour le journal de 9h, des fois... Mais toujours, c'est juste différent. C'est ça, mais c'est juste du placement, cette affaire-là. Ouais. Tu restes pas pour écouter le journal, mais l'idée est tellement comique que tu fais écrire, c'est drôle, ça, je vais y aller. Ce jeudi, c'est Joe Pocan qui lit l'international. Mais tu comprends, au micro, dans un coin, en pantoufle, qui faisait comme s'il lit, mais il lit fort, tout simplement. Non, t'es un peu maqué, là. Et Madame Marois... Ben c'est ça, exact. En position, par rapport... C'est drôle. Tu sais, puis quoi d'autre qui est rattaché au café au matin, mettons, là, à part un muffin, y a-t-il d'autres choses que les journaux, tu sais, les emails, je sais pas quoi, tu sais. Ouais, hein. Ben, tu sais, tout à côté, comme, tu sais, presse internationale, tu sais, il y a le presse café, mais tu sais, un lieu où on célébrerait l'actualité du jour avec des bons cafés. Là. Fait que tu pourrais avoir des espèces de tableaux, là, tu sais, qui disent c'est quoi la situation en... Tu rentres un résumé en 10 minutes de tout ce qui se passe. C'est malade, ça. Pourquoi comme pas? Les événements de l'excellent café. De la journée. Et je pense que ça pourrait devenir une chaîne. Oui. Mais c'est intéressant, sans joke. Pourquoi pas? C'est comme ça qu'on améliore le café indépendant. C'est quand ils deviennent des chaînes. Là, t'as des moyens. Donc, d'ailleurs, on va faire la publicité. Ça s'appelle le Montréal Café. C'est au coin de Laurier et Fabre. Faber. Donc, des Montréal Café partout dans le monde. Oui. Oui. Mm-hmm. Allez-y, je pense que Joe Bocan lit les nouvelles ce jeudi. Puis les serveuses ont des très, très gros tontons. Puis j'ai vraiment dit avant de partir, mais tu sais, je cautionne pas tout ce que les autres vont dire. Okay. Là. Mm-hmm. Ouais, t'as bien puis fait. Ils disent des niaiseries. Là. Ouais. Moi aussi, d'ailleurs. C'est quoi Joe Bocan, c'est son personnage, c'est la comtesse. La comtesse d'Harmonia. Oui, c'est ça. Oui. Hey, pour ceux qui n'étaient pas avec nous la semaine passée, hein, le problème était mon collègue fait des bruits de bouche. Et j'ai pas lu sur Twitter les on a eu quand même deux solutions. Il y avait la solution de Pat, c'est ça? Attends, ce sera pas long. Patrick, qui a écrit... lui dire « Regarde ce qui est arrivé à Jean Chrétien. » En parlant de « Si tu continues à faire des bruits de bouche, tu auras la bouche croche. » Et Vincent Saint-Don qui a écrit « Lui demander à chaque fois « Est à quoi ta gomme? » Puis là, lui, il va répondre « Mais j'ai pas de gomme. » C'est « Pourquoi tu fais ce bruit-là? » Bing! Ouais. Mais pour le café, moi, j'irais avec une machine à boules. Ça prend de la place, mais c'est le fun. Ah oui. Des jeux comme le ping-pong. Ding, ding, ding, ding, ding, ding. À la limite, un plus-value, tu sais, les affaires qui sont pas de la musique forte puis de la danse. Non. Des petits jeux que t'as pas chez vous. Pis... C'est beau. Ouais. Ouais. Mais j'imagine que, tu sais, s'il déplaçait, parce que là, son bar, sa cuisine bar, en tout cas, dans le fond un peu, mais s'il la déplaçait sur le mur extérieur... Et là, on peut aller se faire servir à l'intérieur, mais il y a aussi le petit qui reste à tu sais, tu passes ta porte. Tout à fait. Tu n'es pas obligé de rentrer. Ding, ding. Bonjour. Je peux... Puis là, un petit chemin en ligne jaune par terre, puis tu fais semblant d'être en auto, mais tu es à pied. Oh! Ah, ouais, excellent. Tu pousses l'audace, tu te fais un petit char en carton avec des bretelles. Bing! Moi, quelque chose qui m'inspirerait pour vrai, là, ça serait qu'il y ait énormément de plantes et de fleurs. Ça devient une espèce de café jardin botanique. Non? OK, ça peut être des... Ça peut être Antoine des... n'y a pas parlé, mais il va se Antoine n'y aime pas ça. Bon. Lui, il est resté stocké sur l'île des gros tontons. Non, c'est intéressant. Bon. Ouais, OK, les fleurs, regarde. Et thématique? Thématique, mais moi, je pense que la solution est dans le fait d'offrir quelque chose que t'as pas dans ton salon chez vous. Je veux pas une recréation de mon salon. Mais là, on n'a pas sorti tant d'idées saugrenues que ça, puis ils étaient les bienvenus, là. Le Bagdad Café. Oui. Le Café de Flore. Tu fais juste nommer des... Non, non, mais on voit comme... tous les univers que ça ouvre. Là. Café de Flore, ça serait des jeunes mères parisiennes des années 60 qui viendraient avec des enfants trisomiques. Là. Mais non, mais je veux y aller. On va constituer un café de Paris, bien connu. Ça se fait de plus en plus. Ouais. Ce qui serait drôle, là, ce serait de refaire un café de région à Montréal. Tu sais, faire un genre de Normandin. En plein cœur du plateau. Moi, j'irais. Pourquoi pas prendre un modèle d'affaires qui fonctionne bien, comme Apple? Ouais. T'as un gars qui t'attend. Ouais. Salut, est-ce que je peux t'aider? Ça, ton café, puis il traque ça sur le, à ta table. Très bon. Tu penses pas, tu fais pas le fil, tu trouves quelqu'un qui est libre. Ouais. Non, t'as deux employés. T'en as un qui est à la porte, qui fait « Oui, j'ai une place dans 10 minutes pour aller au comptoir, parce que c'est pas un barista, c'est un génie. » Yes! Ouais, très le bon Genius ça. Bar. Wow! Ouais, ouais, ouais. Mais il y a aussi, il appelait ça le e-café. Puis il doit pas en avoir d'autres là, qui s'appellent de même. C'est sûr que non. C'est sûr. Pas sûr. Puis, mais avoir le petit côté slick, chromé, rond de Apple. Ouais. Pas au lieu d'une pomme. C'est un café. C'est un café. Le café John Café, qui est un guérisseur en prison aussi. Oui. Mais bon, si on parle de Montréal Café, peut-être que Montréal devienne la thématique, parce que il y a pas vraiment de thématique derrière tout ça. Mais tu sais, si tu vas à Montréal, faut que t'ailles au Montréal Café, parce que c'est Montréal dans un café. Wow! Si t'as pas le temps de faire tout Montréal, va là. Tu sais, tu vas dans le fond du café, c'est le vieux port. En entrant, c'est Laval. Il y a des ambiances magiques. Ouais. Un petit peu en rentrant à gauche, t'as un gars de gang de rue. Oui. Tu continues, t'as des artistes un peu pédants. Un beau dommage, harmonium. Ouais. Tu sais, là, dans des. Ouais. La cinquième saison. Ouais. Magnifique. Magnifique. Moi, je dis ça. Ou les fleurs. Solution préférée, ça? Ouais. Ouais. Beaucoup de plantes? Oui. Mm-hmm. Il y a toujours acheté les voisins, hein, puis agrandir. Oui. C'est pas facile, mais. Ouais. Ouais. C'est un coup de dé. Je pense que s'il écoute ça, il va faire. Ouais, c'était bien divertissant, mais. À quoi je m'attends? Un gars qui achète pour 2 piastres par semaine. Hey! Il donne du café à son enfant aussi, tout ça. Ouais! Non, non, pas quand même. Je dis une des fois, je prends une petite affaire. Hein, une quiche. Une quiche. Une vieille quiche. Non, une sandwich. Vos solutions préférées? Toi, tu Jean-Philippe, t'as l'air vraiment sur le... Le produit. Moi, je pense, ouais. J'ai l'impression que la réputation, ça se crée pas autrement que d'avoir un excellent produit. Mais est-ce que le produit inclut la tasse? Tout. Oui, ouais. Si le produit, c'est ça pour moi. Là. OK. C'est offrir quelque chose d'exceptionnel. Soit plus cher, soit moins cher. Mmh. Prendre position. Mmh. Avec des pailles qui ont des loupes là, dedans? Oui. Ça, c'est primordial. Boire un café avec une paille, il n'y a rien de meilleur. Ça tasse ou ça casse. Ça tasse ou ça tasse. Ah, sacrement. Antoine? Moi, j'irais pour les quiz morning. Oh! Moi aussi, j'irais pour ça. Mais tu sais, ça peut être l'après-midi ou d'autres choses. On te crade un peu, mais tu y vas. Petit quiz. Ah! J'irais là, moi. J'irais là. Oui, oui, oui, oui. Mais le permis d'alcool pourrait bien aider, hein? Mm. Oui. Mais tu sais, pour faire des cafés les alcoolisés. Les meilleurs cafés alcoolisés en ville. Mais pas vendre de bière, pas vendre autre chose. Juste café alcoolisé. C'est juste là. C'est bon, ça. Oui, ouais, parce que moi, c'est rarement bon, le café alcoolisé. Oui, des fois, c'est vraiment décevant. On le sait, ce qu'on aimerait que ça goûte, puis ça goûte jamais ça. Exo. Sauf à la maison. Ça goûte la vieille pisse de Baileys. Mathieu, s'il te plaît. Avec du sucre à margarine. Oh, ouais. Bon, ben, ça dérape. Alors, mais si vous en avez des solutions, hein, vous irez écrire ça sur notre page Facebook, pas de problème, ou sur notre page fan. Parce que quand on sort le podcast, on le mentionne sur la page. Vous avez juste à écrire ça dans les commentaires, Mathieu Smouche. Et n'oubliez pas de nous donner une note parfaite sur iTunes. 5 ou rien, les amis. Écrivez-nous vos problèmes sur podproblème@gmail.com, Twitter, Facebook. Lâchez-vous lousse. Google Plus, Instagram. MySpace. Diaspora. MIRC. Vine. Faites-nous un problème de 6 secondes. Ça, non, mais Vine, c'est comme c'est comme Twitter en vidéo, un peu. OK. Puis c'était 6 secondes de vidéo. Ben voyons donc. Ouais. Ou t'as Tout, que c'est 15 secondes de vidéo. Ah, oh, c'est incroyable. Ouais, Toutez-nous ça. Donc, ouais, c'est une blague de... Les gars de Trois-Bières, ils demandent des touts. Ah ouais? Et ça, il y en a quelques-uns. C'est drôle. Ils ont des touts. Oui. Moi, j'ai mon compte tout. Ah ouais? Oui. Hey, je pense que c'est toi le mot de la fin, Fred. Tu le fais pas souvent. Oui, je suis d'accord. vous avez un problème? Nous avons un podcast!